original pour pas les vapes pour toi et toi, non man. Promesse de justice, mixtape. Plus de justice sur la version. Tous les jours j'accomplis ma mission. Le travail de Jah, voilà ma rédemption. Je reviens pour demander justice et pardon. Plus de justice sur la version. Tous les jours j'accomplis ma mission. Le travail de Jah, voilà ma rédemption. Je reviens pour demander justice et pardon. Plus de force. Prendre le micro permet de m'extérioriser. Je canalise mon énergie pour mieux m'exprimer. C'est un moyen de se relaxer. Un moyen aussi de se libérer. Car j'essaye d'être heureux à Babylone. Mais ma vie n'est pas à Gomorre et Sodome. Love and justice, voilà un air que je fredonne. Pour faire réagir la conscience des hommes. Avec humilité, en gardant ma fierté. J'affronte Babylonienne et reviens te chasser. Mauvais esprit, tu ne peux plus te cacher. Fire madness, les masques vont tomber. Plus de justice sur la version. Tous les jours, j'accomplis ma mission. Le travail de Jah, voilà ma rédemption. Je reviens pour demander justice et pardon. Plus de justice, plus de justice. Pour tous mes frères et sœurs à travers le monde. Plus de justice, plus de justice. Black, blanc, beurre, chinois, yes I. J'espère que tu n'es pas mythomane, toxicman, dawaman, criminal, feliman. J'espère que tu n'es pas policeman, jalouseman, moneyman, alcoolman. Et tu tapes pas ta femme car je ne check pas avec ces gens-là. Je suis un soldat dans l'armée de Jah. Ici pas de guerre ni de combat, seulement des prières pour trouver la voie. Plus de justice sur la version. Tous les jours j'accomplis ma mission. Le travail de Jah, voilà ma rédemption. Je reviens pour demander justice et pardon. Plus de justice sur la version. Tous les jours j'accomplis ma mission. Le travail de Jah, voilà ma rédemption. Je reviens pour demander justice et pardon. Beaucoup de personnes n'est sans foi ni loi. Le regard éveille en moi de l'effroi. La société nous a brisé nos rêves. Avec l'oppression, il n'y a jamais de trêve. Tu as l'impression que tout est bloqué. Que la situation n'est pas prête de changer. Aborde la vie avec sérénité. Prie, travaille sur toi et ton esprit va s'élever. L'homme ne croit plus en la justice de son pays. Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi? Plus aucune gratitude envers l'humanité. Ne ferme pas ton cœur mais ouvre ton esprit. Plus de justice, plus de justice. Promesse de justice mixtape. Plus de justice, plus de justice. C'est la CIA, the number one. Plus de justice sur la version. Tous les jours j'accomplis ma mission. Le travail de Jah, voilà ma rédemption. Comme un volcan je suis en ébullition. Yes I, spécialement dédicacé. Yes pour tous ceux qui prient l'éternel. Yes I, et tous ceux qui combattent pour plus de justice. Trop d'injustice, yes, no man dans ce monde. Enough respect. All the massive and cool.